façon dont il est, je collais ta budget. Crée un futur monde de porno. Palito di nuovo di nuovo, papa pa di donné. Palito di nuovo di nuovo, papa pa di donné. Palito di nuovo di nuovo, papa pa di donné. La façon dont tu laisses couler ta pitié donne forme au monde autour d'anneau. La pitié, c'est un sentiment fondateur qu'aucun capitalisme ne peut récupérer. Un sentiment qui court si loin devant que rien ne peut rattraper. Pas des papillis ou des loups, pas des tonis, pas des tonis ou des loups, pas des tonis, pas des tonis ou des loups, pas des tonis ou des loups, pas des tonis. Les capitalismes ne sont que sentiments négatifs qui se collent en parasites sur ta vibrante spontanéité. Les sentiments négatifs ne créent aucune forme, mais des informes ou des formes au virant virus. La façon dont tu laisses couler la pitié crée le monde autour de toi. La façon dont tu laisses couler ta pitié crée le monde autour de toi. Pas des tontines ou des de papa papa papa lui. Pas des tontines ou des de papa papa papa papa lui. Si on ne mélange pas les sentiments et les affaires, c'est parce que les affaires sont sûres de perdre. La façon dont tu laisses couler ta budget crée le monde autour d'anneau. La façon dont tu laisses couler ta budget. La façon dont tu laisses couler ta pitié. La façon dont tu laisses couler ta pitié crée le monde autour d'anneau. Autour d'anneau. Toujours rappelé. Ta pitié vivable, ta pitié, ta pitié.